Nous partîmes sans perdre un moment. Nous arrivâmes à la porte de la cellule, et je montrai d'un air de triomphe la chaîne encore placée, mais dont les faibles vibrations indiquaient que les infortunés connaissaient leur danger. J'ouvris la porte. Oh, comme ils durent trembler! Le supérieur et les quatre moines s'élancèrent dans la cellule. Je tenais la lumière. Vous frémissez, pourquoi? J'étais coupable, et je désirais voir un crime qui pallia le mien, du moins dans l'opinion du couvent. D'ailleurs, je brûlais d'être témoin d'un malheur qui égala ou même surpassa celui que j'éprouvais, et cette curiosité n'était pas facile à contenter. Quand nous entrâmes dans la cellule, les tristes époux se tenaient étroitement embrassés. Vous pouvez juger de la scène qui suivit. Ici, je dois rendre, quoiqu'à regret, justice au supérieur. C'était un homme qui, par des sentiments que le couvent sans doute lui avait donnés, n'avait aucune idée de l'union des sexes. Il éprouvait autant d'étonnement et d'horreur à la vue de deux êtres humains, de sexes différents, qui osaient s'aimer en dépit des liens monastiques, que s'il avait été témoin de quelqu'une de ces horribles conjonctions qui font frémir la nature. Il exprima toute l'horreur qu'il éprouvait, et il le fit avec sincérité. Quelque pût être l'affectation avec laquelle il maintenait la rigueur de la discipline conventuelle, sa conduite dans cette occasion en fut totalement exempte. L'amour était un sentiment qu'il regardait comme inséparable du péché, même quand il était sanctifié par le sacrement du mariage. Mais l'amour dans un couvent, il est impossible de se faire une idée de son courroux, et moins encore de concevoir combien de courroux était majestueux et accablant, renforcé par les principes et sanctifié par la religion. Je ne pouvais décrire le bonheur que cette scène me donna. Un moment avait suffi pour mettre à mon niveau ces misérables qui avaient triomphé de moi. Je m'étais traîné vers ces murs comme vers un asile, moi rebut de la société, et quel avait été mon crime? Allons, je vois que vous frémissez. Je n'en dirai pas davantage. Le besoin m'y avait poussé, et là je voyais deux êtres devant lesquels, peu de jours avant, je me serais agenouillé comme devant les saints de l'autel, qui maintenant étaient abaissés même au-dessous de moi. Je savourais la douleur du moine apostat et du novice. Mon cœur ulcéré jouissait profondément de la colère du supérieur. Je sentais qu'ils étaient tous des hommes comme moi. Je les avais crus des anges, et ils étaient mortels. À force d'épier leurs mouvements, de flatter leurs passions, de travailler pour leurs intérêts, ou plutôt pour le mien, en leur faisant accroire que je n'avais que le leur en vue, j'avais trouvé le moyen de procurer autant de malheurs aux autres et d'occupations à moi-même que si j'eusse été réellement dans le monde. J'avais percé le sein de mon père. C'était l'affaire d'un moment. Ici, j'avais deux cœurs à percer tous les jours et sans cesse. Je ne devais pas craindre de rester oisif. À cet endroit de son récit, mon compagnon essuya son front endurci, s'arrêta un moment pour prendre haleine, puis continua en ces termes. Je n'aime pas trop à détailler les moyens par lesquels ce couple fut induit à croire qu'il pouvait s'échapper du couvent. Il suffit que j'en fus le principal agent, que le supérieur prit peur à la supercherie, que je les guidais à travers les mêmes passages où vous avez passé cette nuit. Ils tremblaient et me bénissaient à chaque pas que... Arrêtez, m'écriai-je, malheureux, vous retracez pas à pas la course que je viens de faire. Et quoi, reprit-il avec un rire féroce, vous croyez donc que je vous trahis? S'il était vrai, à quoi vous serviraient vos soupçons? Vous êtes en mon pouvoir. Ma voix pourrait en ce moment appeler la moitié du couvent pour vous saisir. Mon bras pourrait vous attacher contre ce mur, jusqu'à ce que les ministres de la mort, qui n'attendent qu'un signal, vinssent vous arracher la vie. Je sais, dis-je, que je suis en votre pouvoir, et si je me fiais à votre générosité, je ferais mieux de me briser la cervelle contre les pierres de cette voûte, non moins dure que votre cœur. Mais je sais aussi que vos intérêts sont liés d'une manière ou d'une autre avec ma fuite, et c'est pour cela que je me fie à vous. D'ailleurs, j'y suis forcé, quoique mon sang, déjà refroidi par la faim et la fatigue, se glace en vous écoutant, je dois pourtant vous écouter et vous confier ma vie et ma délivrance. Je vous parle avec cette humble sincérité que notre position m'a enseignée. Je vous hais, je vous crains. Si je vous avais rencontré dans le monde, je vous aurais fui avec un dégoût inexprimable. Mais ici, le malheur commun a réuni les substances les plus opposées en une alliance contre nature. Cette force cessera d'agir du moment où je serai délivré du couvent et de vous. Mais pendant quelques heures, encore, je sais que ma vie dépend de vos efforts et de votre présence, tandis que je ne pourrai supporter cette présence qu'à l'aide de l'horrible intérêt que m'inspire votre discours. Continuez donc cette affreuse histoire. Passons cette longue et triste journée, nous haïssant cordialement l'un et l'autre. Quand elle se sera écoulée, maudissons-nous et ne nous voyons plus. Je m'étonnais, quoique sans doute ceux qui ont l'habitude de scruter le cœur humain n'y auraient rien trouvé de surprenant. Je m'étonnais, dis-je, que plus ma position m'inspirait une férocité bien contraire à notre situation réciproque, et qui était sans doute l'effet du désespoir et de la faim, plus le respect de mon compagnon pour moi paraissait augmenter. Après une longue pause, il me demanda s'il pouvait continuer sa relation. Je n'eus pas la force de répondre, car les efforts que je venais de faire m'avaient épuisé et ranimé en moi les nausées de la faim. Je lui fis un signe d'affirmation et il reprit la parole. « On les conduisit ici, me dit-il. J'avais formé le plan et le supérieur y avait consenti. Je fus le conducteur de leur prétendue fuite. Ils s'imaginaient que le supérieur fermait les yeux sur leur démarche. Je les conduisis donc, comme je vous l'ai dit, à travers ces mêmes passages que nous avons parcourus. J'avais un plan de cette région souterraine, mais mon sang se glaçait en la traversant. L'idée du sort qui attendait mes compagnons ne servait pas à le réchauffer. Je retournais une fois la lampe, sous prétexte d'en arranger la mèche, mais en réalité pour examiner ces infortunées victimes. Elles s'embrassaient. Un rayon de joie brillait dans leurs yeux. Elles se parlaient à l'oreille de leur prochaine délivrance et du bonheur dont elles allaient jouir, et me nommaient dans les intervalles qu'elles pouvaient dérober aux vœux qu'elles formaient l'une pour l'autre. Le spectacle détruisait les derniers restes de la componction que mon horrible tâche m'avait inspirée. Ils osaient donc être heureux en présence d'un homme condamné à un malheur éternel. Quelle plus grande insulte pouvaient-ils me faire? Je résolus de les en punir sur le champ. Nous étions près de ce cachot, je le savais. Je les engageai à y entrer. La porte à cette époque était encore entière. En leur disant que j'irais pendant ce temps examiner si le passage était libre, ils firent comme je leur avais dit et me remercièrent de mes précautions. Ils ignoraient qu'ils ne devaient plus quitter ce lieu, mais leur vie était telle à comparer aux souffrances que leur bonheur me faisait éprouver. Aussitôt qu'ils furent entrés, et tandis qu'ils s'embrassaient, je fermai la porte et tournai la serrure. Cette action ne leur causa pas d'inquiétude. Dans le premier moment, ils la regardaient comme une nouvelle précaution de l'amitié. Dès que je les eus enfermés, je courus auprès du supérieur, qui était furieux de l'outrage fait à la sainteté de son couvent, et plus encore à sa pénétration, dont il se piquait autant que si réellement il en avait possédé. Il descendit avec moi dans le caveau. Les moines le suivirent, les yeux enflammés de colère. Cette colère les aveuglait à tel point qu'ils eurent de la peine à découvrir la porte, même après que je la leur eus désignée à plusieurs reprises. Le supérieur de sa propre main enfonça plusieurs clous que les moines lui fournissaient officieusement, et ferma ainsi la gâche qui ne devait plus s'ouvrir. L'ouvrage ne fut pas long. Au premier bruit des pas qui retentirent dans le passage, les victimes poussèrent un cri, et un second, quand les premiers coups de marteau furent données contre la porte. Elles crurent qu'elles avaient été découvertes et qu'une troupe de moines furieux voulait enfoncer leur retraite. Ces terreurs se changèrent bientôt en d'autres bien plus affreuses, quand ils entendirent clouer la porte et que les religieux se retirèrent. Ils jetèrent un dernier cri, mais qu'il était différent des autres, c'était celui du désespoir. Ils connaissaient leur sort. On avait cru m'imposer une pénitence en m'ordonnant de veiller à leur porte, mais ce fut avec joie que je l'exécutai. Loin de considérer cet office comme pénible ou douloureux, je l'eusse pris par choix. Quand même, j'aurais été supérieur du couvent. Vous appelez ce sentiment de la cruauté. Je soutiens que ce n'est pas de la curiosité. Cette même curiosité qui attire des milliers de personnes à la représentation d'une tragédie et qui fait assister avec plaisir la femme la plus délicate au spectacle des douleurs et des lamentations. Je jouissais d'un grand avantage sur elle. Les douleurs, les lamentations dont j'étais témoin étaient véritables. Je me plaçais donc à cette porte qui, semblable à celle de l'enfer dans le Dante, aurait pu porter pour inscription « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance !» Mes regards exprimaient la pénitence, la joie était dans mon cœur. Je pouvais entendre chaque mot qui se disait. Pendant quelques heures, ils s'efforçaient de se consoler mutuellement. Ils exprimaient tour à tour l'espoir de la délivrance, et comme mon ombre passant devant le seuil interceptait ou rendait la lumière, ils se disaient « C'est lui !» et ils étouffaient les sanglots du désespoir afin de se les cacher l'un à l'autre. Vers le soir, un moine vint m'apporter des aliments et m'offrit de prendre ma place. Je ne l'aurais pas quitté pour tout au monde. Je répondis cependant aux religieux que je voulais me faire un mérite de mon sacrifice, et qu'avec la permission du supérieur, j'y passerai la nuit. Mon confrère fut enchanté de trouver si facilement un remplaçant. Il me quitta, et je pris les aliments qu'il m'avait apportés. J'entendais parler mes prisonniers, je mangeais, mais je me nourrissais bien plus délicieusement de leur faim, dont ils n'osaient pourtant rien dire. Ils réfléchissaient, ils délibéraient. Et comme le malheur est toujours ingénieux, il se disait qu'il était impossible que les supérieurs les eussent renfermés là pour les laisser mourir de faim. À ces mots, je ne pus m'empêcher de rire. Le bruit en frappa leurs oreilles, et ils gardèrent un moment le silence. Pendant toute la nuit, j'entendis leurs gémissements. C'étaient ceux de la douleur physique, auprès desquels les soupirs de sentiments les plus exaltés ne sont rien. J'avais lu des romans français et tout leur inimaginable alambicage. Madame de Sévigné dit elle-même qu'elle se serait ennuyée de sa fille pendant un long voyage tête à tête avec elle. Mais renfermer deux amants dans un cachot sans nourriture, sans lumière et sans espoir, et je veux être damné, je le suis probablement déjà, s'ils ne s'ennuient l'un de l'autre en moins de 12 heures. Le second jour, la faim et l'obscurité firent leur effet naturel. Ils demandèrent à grands cris la liberté, et frappèrent avec force des coups réitérés à la porte. Ils dirent qu'ils étaient prêts à se soumettre à tous les châtiments qu'on leur imposerait, et l'approche des moines qu'ils avaient tant craint la nuit précédente était alors l'objet de leurs vœux les plus ardents. Les plus terribles vicissitudes de la vie humaine ne sont-elles pas au fond des maux imaginaires? Ils demandaient aussi à genoux ce qu'hier ils auraient peut-être racheté au prix de leurs âmes. Quand les souffrances de la faim augmentèrent, ils quittèrent la porte et se traînèrent dans un coin, chacun de leur côté, chacun de leur côté. Oh, comme je guettais ce moment! L'inimitié remplaçait déjà l'amour dans leur cœur. Quelle joie pour le mien! Ils ne pouvaient se déguiser mutuellement les détails révoltants de ce qu'ils souffraient. Quelle différence pour deux amants de se placer devant une table abondamment servie ou de se coucher dans le sein de l'obscurité et de la famine. d'échanger cet appétit qui a besoin d'aimer les plus délicats pour se réveiller, contre celui qui donnerait tous les trésors de l'amour pour un morceau de pain. La seconde nuit se passa alternativement en gémissements et en malédictions. Et dans leur douleur, je dois rendre justice aux femmes, quoique je les haïsse autant que les hommes. L'amant accusa son amante d'être la cause de toutes ses souffrances, tandis que jamais, jamais celle-ci ne lui fit le plus léger reproche. Ses gémissements pourraient à la vérité en être d'indirects et d'amers, mais elle ne prononça pas un seul mot qui pût le blesser. Je remarquai cependant un grand changement dans leurs sensations physiques. Le premier jour, ils étaient toujours ensemble, et chaque mouvement qu'ils faisaient semblait n'être fait que par une seule personne. Le second, l'homme lutta seul, la femme gémit dans sa faiblesse. La troisième nuit, comment la décrire? Mais vous m'avez dit de continuer. Toutes les plus horribles, les plus dégoûtantes souffrances de la faim étaient passées. La désunion de tous les liens du cœur, de la passion, de la nature, avait commencé. La quatrième nuit, j'entendis tout à coup la malheureuse femme jeter un cri. Son amant, dans le délire de la faim, avait attaché ses dents à son épaule. Ce sein sur lequel il avait si souvent reposé allait lui servir de pâture. Monstre, vous riez ? Oui, je ris de tout le genre humain et du mensonge qu'il profère quand il parle d'amour. Je ris des passions de l'homme et de ses soucis. Le vice et la vertu, la religion et l'impiété sont également les résultats des petites localités d'une position factice. Un seul besoin physique, une leçon sévère et inattendue, prononcée par la nécessité, vaut mieux que toute la logique des philosophes. Ce couple qui ne croyait pas qu'il lui fût possible d'exister l'un sans l'autre, qui avait tout risqué, qui avait foulé aux pieds toutes les lois divines et humaines pour se réunir, ce couple, dis-je, une heure de privation suffit pour le détromper. Les ennemis les plus irréconciliables ne se regardent pas avec plus d'horreur que ses amants. Malheureux ! Vous étiez fiers d'avoir des cœurs. Moi, je me glorifiais de n'en point avoir. Qui de nous deux avait le plus raison? Mon histoire est bientôt finie, et j'espère aussi que le jour ne tardera pas à baisser. La dernière fois que je suis venu en ce lieu, j'avais quelque chose pour m'exciter. C'est bien peu de parler d'un tel événement quand on a eu le bonheur d'en avoir été témoin. Le sixième jour, je n'entendis plus rien. On déclouait la porte, nous entrâmes. Ils n'étaient plus. Ils étaient couchés assez loin l'un de l'autre, bien plus loin que sur ce simple lit de couvent, que leur passion avait converti en couche voluptueuse. La femme était repliée sur elle-même. Elle avait dans la bouche une boucle de ses longs cheveux. Sur son épaule, on voyait une légère cicatrice. C'était le seul outrage qu'elle eût souffert du désespoir de la faim. L'homme était étendu tout de son long, sa main était entre ses lèvres. Il paraît que la force lui avait manqué pour exécuter le dessein qu'il y avait conduit. On enleva les corps pour les ensevelir. Quand ils furent exposés à la lumière, les longs cheveux de la jeune femme, retombant autour d'une physionomie qui ne déguisait plus l'habillement d'un novice, me rappela une ressemblance qui m'était familière et que je crus reconnaître. Je regardai de plus près. C'était ma sœur, la seule que j'eusse, et j'avais entendu sa voix s'affaiblir peu à peu. J'avais entendu. Ici, la voix de mon compagnon s'affaiblit à son tour. Il cessa de parler, tremblant pour une vie à laquelle la mienne était si intimement liée. Je m'approchai de lui en chancelant. Je le soulevai à moitié dans mes bras, et me rappelant qu'il y avait sans doute un courant d'air sous la trappe, je m'efforçai de l'y traîner. Je réussis, et tandis qu'il respirait l'air extérieur, je vis avec une joie inexprimable que la lumière baissait déjà visiblement. La soirée s'avançait. Nous n'avions plus de motif pour attendre. Il revint à lui, car son évanouissement avait été causé par l'inanition et nullement par la sensibilité. Quoi qu'il en soit, je m'intéressais vivement à son rétablissement, et si j'avais été capable d'observer les vicissitudes extraordinaires de l'esprit humain, j'aurais été fort étonné du changement qui se manifesta en lui quand il eut repris ses sens. Il ne fit pas la moindre allusion au récit qu'il venait de faire, ni à ce qu'il venait d'éprouver, mais s'élançant de mes bras à la vue de la lumière baissante, il se prépara sur le champ à notre départ, avec une nouvelle énergie, avec une plénitude de raison qui tenait du miracle. Il grimpa le long de la muraille avec une merveilleuse dextérité, et à l'aide de mes épaules et des pierres qui avançaient, il ouvrit la trappe, dit que tout était tranquille, m'aida à monter après lui, et bientôt, avec une joie sans pareille, je respirai de nouveau l'air pur du ciel. La nuit était profondément obscure. Je ne pouvais distinguer les édifices d'avec les arbres, excepté quand un vent léger faisait mouvoir ceux-ci. Je suis convaincu que c'est à ces ténèbres que je dois la conservation de ma raison, dans de pareilles circonstances. Si, en quittant le séjour de l'obscurité, de la famine et du froid, j'eusse trouvé tout à coup un ciel brillant de toute la majesté d'une belle nuit, mon jugement y aurait succombé. Je n'ose dire à quel excès je me serais livré. Nous traversâmes le jardin sans que nos pieds touchassent à terre. En approchant de la muraille, mon courage faillit m'abandonner avec mes forces. Je dis à l'oreille de mon compagnon, « Ne vois-je pas des lumières briller aux fenêtres du couvent ?»« Non, les lumières sont dans vos yeux. C'est un effet de l'obscurité dont vous sortez, du besoin, de l'effroi. Venez. Mais j'entends le son des cloches. Ces cloches sont dans votre imagination, un estomac vide et le bedeau qui les sonne. Ce n'est pas le moment de balancer. Venez, venez, ne pesez pas si fort sur mon bras. Ne tombez pas, s'il vous est possible. Oh ciel, il se trouve mal. » Ces mots furent les derniers que j'entendis. J'étais tombé, je crois, dans ses bras. Il me traîna jusqu'au mur et enlaça mes doigts glacés dans les cordes de l'échelle. Cette action me rendit sur le champ le sentiment, et je commençai à monter, sans savoir encore précisément ce que je faisais. Mon compagnon me suivit. Nous parvîmes en haut de la muraille. Je chancelais de faiblesse et de crainte. J'éprouvais une inquiétude inexprimable. Je tremblais, quoique l'échelle y eût été, de n'y point trouver mon frère. Tout à coup, j'aperçois la lumière d'une lanterne et je vois un individu en bas. Je me lance près de lui sans m'embarrasser si je rencontrerai les bras d'un frère ou le poignard d'un assassin. « Alonso, Alonso !» murmure une voix. « Juan, cher Juan !» fut tout ce que je pus répondre, et je sentis mon sein palpitant pressé contre celui du plus généreux, du plus tendre des frères. Combien vous avez dû souffrir, combien j'ai souffert moi-même pendant cette affreuse journée. J'avais presque renoncé à vous voir. Hâtez-vous, la voiture est à 20 pas. Tandis qu'il parlait, je distinguais à la lueur de sa lanterne ses traits si beaux et si majestueux, qui jadis m'avaient fait frémir, comme le gage d'une éternelle émulation, mais qui m'offrait alors le sourire de la divinité fière, mais bienfaisante, à laquelle je devais ma délivrance. Je montrais du doigt mon compagnon. Je ne pouvais parler, car une faim dévorante me consumait. Juan me soutenait, me consolait, m'encourageait. Il faisait autant et plus qu'aucun homme eût jamais fait pour un autre. Que dis-je? Pour la femme la plus faible et la plus délicate que le sort eût confiée à sa protection. Mon cœur se déchire quand je me rappelle sa noble tendresse. Nous attendions mon compagnon qui descendait de la muraille. « Hâtez-vous, hâtez-vous, dit mon frère. J'ai faim aussi. Il y a 24 heures que je vous attends sans avoir pris de nourriture. » Nous pressâmes le pas. La place était déserte. À la faible lueur de la lanterne, je distinguais une voiture. Je n'en demandais pas davantage. Je m'y élançai avec promptitude. « Il est en sûreté !» s'écria Juan en voulant me suivre. « Mais l'es-tu ? » répondit une voix de tonnerre. Juan chancela sur le marchepied de la voiture et tomba en arrière. Je m'élançai après lui. Je fus inondé de son sang. Il n'était plus.